Éléonore, même s'il ne se voit pas, les amours ne meurent pas. Éléonore, même l'absence, les douleurs vivent, se consolent, nos amours survivent. Éléonore, ne pleure plus que des soleils joyeux, tes sourires font que jamais il ne pleut. Garde-les infiniment au bout des yeux, ils nous préservent toujours d'être malheureux. Éléonore, voyage. Toujours d'être mal.